Deuxième partie, chapitre 12e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 12e de la retraite du cœur. C'est ici, Philothée, que je vous souhaite le plus de docilité à suivre mes conseils, car c'est l'article dont je crois que votre avancement spirituel dépend davantage. Rappelez-vous le plus souvent que vous pourrez durant le jour en la présence de Dieu, vous servant de l'une des quatre pratiques que je vous ai données. Considérez ce que Dieu fait et ce que vous faites. Vous verrez qu'il a toujours les yeux attachés sur vous avec un amour incroyable. Ô mon Dieu, direz-vous, pourquoi est-ce que je n'ai pas toujours les yeux attachés à vous contempler, comme vous les avez toujours à me regarder avec bonté? Pourquoi pensez-vous tant à moi, mon Seigneur, et pourquoi est-ce que je pense si peu et si rarement à vous? Où sommes-nous, ô mon âme? Notre place naturelle est d'être en Dieu. Où est-ce que nous nous trouvons? Les oiseaux ont leur nid pour s'y retirer au besoin. Les cerfs ont leur fort et leur buisson pour s'y mettre à couvert de la persécution des chasseurs et des ardeurs du soleil. Notre cœur doit aussi choisir tous les jours quelque place, ou sur le mont du Calvaire, ou en quelque autre endroit auprès de lui, pour s'y retirer de temps en temps, pour s'y délasser du tumulte et de la chaleur des affaires extérieures, et pour s'y défendre des insultes de notre ennemi. Oui, bienheureuse sera l'âme qui pourra dire avec vérité à notre Seigneur, « Vous êtes ma maison de refuge, vous êtes mon rempart contre mes ennemis, je respire un air bien doux à l'ombre de vos ailes, et j'y suis à couvert des injures du temps. » Souvenez-vous donc, Philothée, de vous retirer souvent en la solitude de votre cœur, pendant que les affaires et les conversations l'occupent entièrement. De sorte qu'il demeure seul en la présence de Dieu seul. Tout ce qui vous environne ne peut vous fermer l'entrée de cette solitude, puisque tout cela n'est qu'au dehors de vous-même. Aussi était-ce l'exercice ordinaire de David, au milieu de toutes ses grandes occupations, et nous en voyons mille exemples dans ses psaumes, comme lorsqu'il dit « Ô Seigneur, je suis toujours avec vous, je vous vois toujours. Mon Dieu, devant moi, j'ai levé mes yeux vers vous. Ô mon Dieu, vous habitez dans le ciel, mes yeux se portent toujours vers Dieu. » En effet, nos conversations ne sont pas ordinairement si intérieures, ni nos affaires toujours si appliquantes, que notre âme ne puisse leur dérober un peu d'attention pour se retirer dans sa chère solitude. Le père et la mère de Sainte Catherine de Sienne, ne lui ayant laissé aucun temps ni aucun lieu pour prier et pour méditer, notre Seigneur lui inspira la pensée de se faire un petit oratoire au fond de son cœur, où elle put se retirer en esprit parmi tous les soins pénibles dont ses parents l'accablaient. Elle en usa ainsi, et elle ne ressentait aucune atteinte de toutes les peines que le monde lui faisait, par cette raison, disait-elle, qu'elle s'enfermait dans son cabinet intérieur, où elle se consolait avec son céleste époux. Ce fut là sa pratique ordinaire, et dès ce temps-là même, elle le conseilla aux autres. Rappelez-vous donc quelquefois à la solitude intérieure de votre cœur, et là, dans un grand dégagement de toutes les créatures, traitez des affaires de votre salut et de votre perfection avec Dieu, comme un ami traite avec un ami, cœur à cœur. Dites-lui, avec David, « J'ai veillé, et j'ai été semblable au pélican de la solitude. J'ai été comme le hibou dans la masure, et comme le passereau solitaire sur le toit de la maison. » Ces paroles prises dans le sens littéral nous apprennent que ce grand roi, ayant rendu son cœur bien solitaire, passait quelques heures du jour dans la contemplation des choses spirituelles. Mais si nous les prenons dans le sens mystique, elles nous découvrent trois charmantes solitudes où nous pouvons nous retirer auprès de notre aimable Jésus. Cette comparaison du hibou caché dans une masure nous marque l'état humiliant du sauveur couché sur la paille dans une crèche, au milieu d'une étable, caché et inconnu de tout le monde, dont il pleurait les péchés. La comparaison du pélican qui se tire le sang des veines pour nourrir ses petits, ou même, dit-on, pour leur rendre la vie, nous marque l'état du Sauveur sur le calvaire, où son amour lui a fait répandre son sang pour notre salut. La troisième comparaison nous marque l'état du Sauveur dans sa glorieuse ascension. Lorsque tout petit et tout méprisable qu'il avait paru au monde, il s'éleva de la terre au ciel d'une manière si admirable. Retirons-nous souvent auprès de Jésus-Christ dans ces trois états. Le bienheureux Elzéar, comte d'Arian en Provence, était depuis longtemps absent. Son épouse, la dévote et chaste Delphine, lui envoya un courrier express pour savoir l'état de sa santé, et il lui fit cette réponse. « Je m'apporte bien, ma chère femme, et si vous me voulez voir, cherchez-moi dans la plaie du côté de notre doux Jésus, car c'est là où je demeure et où vous me trouverez. Me chercher ailleurs, c'est me chercher inutilement. En vérité, C'était là un cavalier bien chrétien. Fin du chapitre 12e. Deuxième partie.